En dessous, avant que tu mettes tes mains sales dedans. Mes mains sont sales parce qu'ils ont serré la tienne. Les tics nerveux sont-ils provoqués par un manque d'amour chez les enfants? Ah, c'est une question, c'est qui, hein? Plusieurs volets. Les tics nerveux. Bon. Habituellement, l'être humain, l'ego de l'humain, probablement, c'est évident qu'il s'exprime dans un corps physique. S'exprimant dans le corps physique, il va se relire dans le corps physique et se relisant dans le corps physique, il a une impression de ce qu'il est. Alors, on a des personnes qui, des égaux, l'individu, donc l'ego de l'enfant, qui, à un moment donné, lui, va se sentir plus sécurisé s'il se son pouce. Bon. C'est sûr, s'il devient patron comme ça, ça complique les choses. Bon. L'enfant, en suçant son pouce, vit quelque chose de particulier qui lui donne une lecture d'onde de forme, de puissance. Une personne, à un moment donné, va avoir comme tic nerveux d'avoir une cigarette et de la promener d'un bord à l'autre. Bon. Pourquoi ça? Ou un cure-dent, ou un crayon, ou de quoi. Bon. Pourquoi? Simplement parce que ce qu'il a ici, il ne voit pas ce qui se passe. Mais l'impression qu'il sent à l'intérieur de lui, c'est l'impression de puissance. C'est une forme de tic. Alors, à un moment donné, dans la lecture corporelle, on aura aussi, par exemple, un clin d'œil. Chaque fois qu'il fait ça, c'est comme s'il éliminait une démangeaison psychologique. Et quand il a son clin d'œil, il se sent tough, il se sent puissant, il se sent sécurisé. Pas juste nécessairement tough, là, mais il se sent sécurisé en tout cas. Alors, on a différents tics, ça peut être tourner sa paire de cheveux. Du moment qu'il réfléchit, pour avoir une onde de forme, pour lire à l'intérieur de lui qu'il peut s'autoriser à réfléchir, il peut commencer à tourner sa couette. Quand il est nerveux, manque de sécurité, il peut faire la même chose. D'autres seront asthmatiques, même chose qu'un tic nerveux, qui est plus compliqué. Alors, pour les tics chez les jeunes, comme chez les adultes, on aura ce genre de phénomène-là. Dans certaines circonstances, il commence à avoir des tics parce que l'onde de forme, ce qu'il lit, s'il se verrait dans le miroir, puis il verrait ce que ça donne, ça dépend de l'âge, à un moment donné, il va dire, « Tabarouette, chaque fois que je fais ça, je pense que je suis correct, mais c'est pas ça, je vais essayer de changer. » Pendant un laps de temps, il faudra y répéter, pas le chicaner, lui dire, « Regarde, tu recommences. » S'il est d'accord de changer, parce que même si on l'a vu, c'est une habitude, hein? Il y a une glace là-dedans qui devra fondre à un moment donné pour s'exprimer différemment. Mais on a d'autres formes de tics aussi qui sont des dépolarisations ectopiques. Tu comprends ce que ça veut dire? Pas du tout. Voilà, c'est bien. Quand tu comprennes, ils t'expliqueront. Une dépolarisation ectopique, ça peut se faire de deux façons. Elle est musculaire localisée. Alors, à un moment donné, j'ai une cellule, des cellules musculaires qui se contractent inutilement sans que le cerveau donne un ordre. C'est un spasme, mais c'est un tic. Si mon spasme est au niveau de mon œil, par exemple, ça peut faire encore une espèce de clin d'œil forcé. C'est un spasme. La dépolarisation ectopique, elle peut se faire au niveau du cerveau. Il y a une partie du cerveau, à un moment donné, qui se dépolarise et ça fait... Bon. Et j'ai connu quelqu'un, moi, chaque fois qu'il me rencontrait, c'était une vraie farce, en tout cas. C'est l'éthique qu'il y avait, là. Puis tout ce qu'il avait à dire, là, j'ai pas le temps de te voir, on se téléphone. Je comprends qu'il n'y avait pas le temps. Il fallait qu'il aille se relaxer. En tout cas. Alors, dépolarisation ectopique, soit que c'est le cerveau qui m'a donné. Ectopique veut dire à l'extérieur, c'est pas contrôlé, ça rapporte seul. Le système nerveux autonome. Pas autonome, en tout cas, disons, système nerveux autonome. C'est pas contrôlable, pas contrôlé par l'individu. Oui, c'est ça, mais c'est, disons, le système nerveux qui est antipathique. Il n'est pas sympathique. Ah, il crée des tics nerveux. Donc, on a la dépolarisation au niveau des muscles et on a une dépolarisation au niveau neuronique. Quoique bien souvent, on va engendrer une dépolarisation neuronique. Dépolarisation, c'est une impulsion nerveuse qui peut être engendré par le système émotif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'enfant ou l'adulte, donc si l'individu, vit une contrainte émotive, affective, enfin bref, émotive, quelle, de quelque ordre qu'elle puisse être, lorsqu'il vit la contrainte, l'âme s'exprimant dans le système nerveux, dans le cerveau, entre autres, une partie de l'âme peut s'exprimer à l'extérieur de ce qui normalement fait partie de la conscience biologique. Et en même temps que j'essaie de parler, il y a une partie de mon âme qui s'exprime dans un espace musculaire. Et ça fait donc partie, encore une fois, de l'expression. On devrait fondre un morceau de glace, c'est-à-dire que l'enfant... Bon, moi, quand j'étais jeune, j'avais un léger espace qui apparaissait, je venais voir de quand comme ça. C'était réellement ectopique. Tout ce que j'avais à faire, c'était mettre ma main dessus. Ça continuait. Alors, je contractais l'opposé du spasme, j'étirais le système musculaire, puis à un moment donné, il s'engourdissait dedans. Progressivement, la glace qui créait ça, ne pouvant se nourrir de créer l'espace, a fini par mourir. Et j'ai plus spasme non plus. Il y a différentes façons de corriger. Manque d'amour, il faut faire attention. L'enfant a aussi des blocs de glace qui se créent. Ce n'est pas un manque d'amour, mais un manque de sécurité. Et quand on donne de l'amour à un enfant, on le sécurise. En réalité, quand on lui donne la possibilité de s'énergiser à partir de nous, on nourrit ses blocs de glace. Donc, chaque bloc de glace se sentant nourri, l'ego est totalement sécurisé. On doit nourrir l'enfant de blocs de glace, puis en même temps, on doit l'instruire que l'amour n'est pas conditionnel. Exactement comme si tu dirais, quand tu manges un gâteau et que tu aimes ça, c'est une chose. Tu vas dire, j'aime le gâteau. Mais quand tu t'approches de moi, tu ne peux pas dire « je t'aime comme tu aimes le gâteau ». Comme en anglais, on aura « like, love ». En français, on a « m-m ». Assez qu'à un moment donné, en anglais, on va dire « si tu aimes énormément les gâteaux, I love ». Bon, j'aime les gâteaux, on prend le mot « love ». Alors que si on saurait ce qui se passe, on garderait le mot « like ». J'aime le gâteau, je t'aime et... je t'aime. Deux choses différentes. Alors, l'enfant, on peut nourrir aussi d'affection. L'amour, c'est une énergie qui va nourrir les parties qui expérimentent le sentiment d'amour. Ça, c'est l'affection. Il n'y a pas de problème là. L'enfant qui manque de sécurité peut avoir des tics nerveux, comme ça peut ne pas être ça. Mais de toute façon, c'est un bloc de glace qui devra fondre quelque part. On devra canaliser ça différemment. Qu'est-ce qui offrirait le plus de sécurité à l'enfant, le respect ou l'amour? Le respect, si c'est un enfant teflon, et l'amour mémoriel, si c'est un enfant qui n'est pas teflon. Est-ce que la psychologie qui fait que l'ego se nourrit et que le mental le dissout? Est-ce la psychologie? Non. Psychos veut dire âme, logie veut dire science qui étudie. Science qui étudie l'âme, psychologie. Alors, ce n'est pas la psychologie qui fait que le mental dissout l'ego. La psychologie, c'est toute la mécanique. Bon, la psychologie, c'est les relations qui existent dans l'âme. La psychologie étudie la relation qui existe entre l'ego, les mémoires volatiles et l'âme. Nécessairement, par extension, la psychologie va aussi étudier les relations qui vont exister entre une âme et une autre âme. On met pas le mot âme, parce que psycho, ça veut dire âme, mais les psychologues sont scientifiques, alors c'est pas question d'âme, mais c'est la même chose. Donc, le mental dissout l'ego uniquement sous contact supramental, ça veut dire que le mental va anégoïser l'âme, dissoudre l'ego dans l'âme, rendre l'âme sans ego, anégoïser, seulement parce qu'il y a un contact supramental. La psychologie va faire en sorte d'égoïser, et la supramentalisation, l'évolution réelle, va faire en sorte d'anégoïser. C'est évident qu'un homme qui ne retire pas de satisfaction de sa femme est porté à aller s'alimenter ailleurs sur le plan sexuel. Mais si l'homme aime sa femme et la respecte, serait-il mieux de se satisfaire par la masturbation au lieu d'aller coucher avec d'autres femmes? Un homme qui couche avec plusieurs femmes ne doit pas se respecter lui-même. Comment peut-il respecter sa femme? Bon, un homme qui couche avec différentes femmes peut se respecter aussi lui-même. Maintenant, si l'homme décide de se satisfaire lui-même, ben, s'il n'y a pas des inhibitions idiotes du passé, ça coûte moins cher, c'est pas dangereux pour les maladies transmises de soir, et puis... Les MTS. C'est ça, les MTS. L'individu fait lui-même son choix, mais c'est évident que si on regarde, on fait un choix mathématique, là, on peut mettre ça dans un ordinateur, l'ordinateur va dire « masturbe-toi et dors en paix ». T'es temps qu'à prendre ton auto, sortir, te trouver du temps, inventer des réunions, aller payer, risquer de passer dans le journal le même matin, avoir une maladie, revenir, compter des pipes. La femme, c'est un être humain, comme tous les êtres humains, puis la femme est beaucoup plus sensible, elle détecte. Même si t'as rien dit, elle est télépathe. Puis sa télépathie, les glaces qui veulent avoir des trucs à se nourrir, ils vont te la rendre télépathe. Je t'assure qu'elle était beau cachée. Un soubresaut de la moustache va en dire long. Bon. Oh, t'es bien mieux de... La personne qui masse l'autre... T'es bien mieux d'évoluer puis pas avoir de problème. La personne qui masse l'autre donne de son énergie à celui qui reçoit. Est-ce vrai? Non. La personne qui masse celui avec lequel ou celle, la personne qui masse un autre individu avec lequel il y a une symbiose, avec lequel il y a une ouverture au niveau des barrières vitales, ne donne pas d'énergie. Qu'est-ce que c'est qu'une ouverture au niveau des barrières vitales? Si vous allez vous faire masser quelque part, le masseur vous donne de l'énergie, ou la masseuse, puis vous lui en donnez aussi. Il n'y a pas d'ouverture au niveau des barrières vitales. Si votre femme, votre mari ou votre enfant vous fait un massage, s'il y a une ouverture totale au niveau des barrières vitales, ça veut dire que vous n'avez aucune inhibition avec l'autre. Là, il y aura un échange d'énergie. Est-ce que c'est un échange ou une obfuscation des deux? Il y aura un échange, il y aura une création de synergie, puis bien souvent, il y aura un réveil d'énergie engourdie. On dit amplification d'énergie. Mais il n'y a pas, si par exemple, vous massez votre mari ou votre femme, vous ne perdez pas d'énergie, sauf évidemment si elle vous a manipulé à la masser, puis finalement vous la massez pour prouver que vous l'aimez. Là, vous êtes relativement fermé vitalement, vous perdez de l'énergie. Est-ce que le masseur ou l'autre qui reçoit, que c'est son pire esprit qui épaissit? Une chose qui est certaine, c'est qu'on devrait tous se faire masser par un individu avec lequel on est totalement ouvert, ou se faire masser par une machine. Un ou l'autre. Bon. Est-ce que l'autre qui reçoit, c'est son périsprit? Bon. Si les deux fonctionnent, il y a toujours un échange d'énergie, mais il n'y aura pas de synergie. Il n'y aura pas d'augmentation d'énergie. Si tu te fais masser par un individu que tu ne connais pas, il te donne ses maladies, tu lui donnes les tiennes. Il te donne ses problèmes, tu lui donnes les tiennes. Bon. Dans un studio de massage convenable, une personne devra faire 3 massages par jour. Après ça, c'est fini. Elle prend une douche entre chaque massage. Et par la suite, elle aura une journée ou deux de vacances, parce que sinon, à un moment donné, elle va s'épuiser. Parce que la personne qui vient en cure, bien souvent, il y a beaucoup de têteux qui vont se faire masser. Pas tous ceux qui vont se faire masser. Il y en a que c'est simplement au niveau mécanique. Mais il y a un paquet de personnes qui vont chercher de l'affection incognito. Une affection qui ne veut pas savoir d'où ça vient, mais ils veulent rêver pendant qu'ils sont massés, que c'est quelqu'un qui les aime, qui les masse. Bon. Et cela, ils drainent le masseur. Il y a un échange d'énergie là, mais il n'y a pas de synergie. Si on se fait masser par un individu avec lequel on est totalement ouvert, il y a une synergie, donc les deux périsprits vont s'épaissir, les deux périsprits s'énergisent. Les deux individus progressivement deviennent plus sauvages, c'est-à-dire qu'ils ne donneront pas leur corps à n'importe qui. Moins manipulables, périsprits étant plus épais, sont donc moins assujettissables à des manipulations par l'extérieur. Mais il faut qu'on comprenne une chose bien souvent, quand on vit en famille puis qu'on a des enfants, le massage ne doit pas être limité aux adultes. Vous pouvez masser les enfants doivent masser les parents, c'est une énergie, c'est une symbiose. Prenons l'exemple, le mari... La mère masse les enfants massent la mère, mais le mari, lui, pas le droit à ça. Mais il a l'impression qu'il y a un problème, qu'il est rejeté, on le refuse, en tout cas, il manque quelque chose. Les enfants, c'est la même chose. Si le père ou la mère semble bénéficier d'une technique particulière, puis les enfants, eux autres, n'ont pas le droit, nécessairement, il y a un problème. Puis le massage, c'est pas sexuel. C'est pas sexuel dans le sens sexe, relation sexuelle et des paquets de conneries. Le massage, c'est une forme de sensualité, c'est une forme de sexualité énergétique, mais qui est identique à lorsque tu regardes un paysage qui te plaît et qui te met en extase. Bon, c'est pas endocrinien, c'est énergétique. Alors les enfants, c'est la même chose. Quand on parle de massage, autant mettre que la famille dans la même synergie. Quand on parlait tantôt d'un enfant qui peut avoir des tics nerveux par manque de sécurité, est-ce que ça serait une forme de... Ben, ça va aider énormément. Si c'est par manque de sécurité, c'est évident que ça va régler le problème. Sauf qu'il faut comprendre une chose au niveau, par exemple, de cet enfant-là. Vous commencez à régler le problème, mais il y a encore des tics. La glace n'est pas fondue, il va continuer à faire des tics. Mais là, elle est en train de fondre, donc ça prend un laps de temps avant que ça finisse par passer. Pour avoir un vrai tamour, un vrai amour. Ne suffirait-il pas de changer constamment afin de tromper les mémoires? Bien, changer constamment afin de tromper. Non, non. Pour avoir un vrai amour, tout ce qu'on a à faire, c'est cesser de s'en faire avec l'amour. Si pour avoir un vrai amour, lui, il se fait pousser une moustache, le lendemain matin, il n'y en a plus. Deux jours après, il est cheveux bleus. Par la suite, il y a un cache-œil pour le fun. Continuellement devoir lutter contre les mémoires, on n'aura jamais le temps de bénéficier de l'amour. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cesser de s'en faire. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas aimer plus ou aimer moins. Ça ne sert à rien, on ne peut pas jouer là-dessus. On peut avoir plus de mémoire de l'expression de l'amour envers un individu ou envers un autre, puis moins envers d'autres. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est le piège quand on tombe en amour. On tombe dedans, le piège. L'amour, là, c'est le petit sucre qui est autour. Là-dedans, là, c'est l'enfer. Reste en haut. Descends pas trop en bas. Puis ce qui est en bas, ben, comprends-le. Si on le comprend, ça change déjà beaucoup de choses. Alors, pour avoir un vrai amour, ne suffirait-il pas, en passant, ne suffirait-il pas, déjà là, que ça, c'est déjà changé l'humanité au complet, c'est à peu près faisable, même pour un individu, pour que toi et moi, on ne tombe pas dans le piège de l'amour, bien, change tous les jours. Moi, change tous les jours. C'est compliqué, hein, maudit. Ne suffirait-il pas, c'est un mot qui est un peu faux. De changer constamment afin de tromper les mémoires, ce n'est pas nécessaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de comprendre la mécanique. Quand c'est compris, il y aura encore des soubresauts de tics nerveux, bon, d'amour mémoriel. Ou de temps en temps, vous allez être jaloux, inquiet, etc. Mais si en même temps, le mental sait très bien, Christy, que c'est la glace qu'on veut nourrir, alors peut-être qu'on fera une colère, peut-être qu'on fera une crise, ou si encore. Mais quand on va s'asseoir après, qu'on est refroidi un peu, là, qu'on a cessé de crier, mais si on comprend le principe de la glace, c'est encore la glace qu'on vient de nourrir. On ne faut pas qu'on se culpabilise avec ça. Mais on comprend la mécanique. Puis comprenant la mécanique, progressivement, on n'aura plus de problème avec ça. On va accepter que les glaces vont être tellement petites à un moment donné qu'ils vont changer facilement. Au lieu d'avoir une glace de ta présence, j'en aurai 25 000. Et puis là, ben, ça va souffrir 25 000 fois moins. Tout un petit peu partout par là, mais ça ne peut pas crier tout en même temps. Il n'y a aucun problème. Une relation finit toujours comme elle commence. Tout ce qu'on arrive à changer, c'est le comportement. Ah, habituellement, quand on commence, on dit bonjour, quand on finit, c'est du bonjour, peut-être. L'autre apprend, mais ne comprend toujours pas la vibration de ma base, si elle l'était au départ. Pourquoi alors les deux s'obstinent-ils pendant 15 ans à se rendre malheureux? Ils ne s'obstinent pas à se rendre malheureux. Chaque ego s'obstine à conserver la mémoire de glace qui est là chez lui. Moi, j'ai expérimenté la sécurité de la certitude d'avoir une chicane à soi. J'ai suffisamment expérimenté, par exemple, les disputes, que je suis constitué de disputes. Quand je rentre un soir et que ma femme ne m'engueule pas, cette partie-là ne se nourrit pas. Alors, je commence à lui dire, « Comment ça, tu n'as pas fait la cuisine? »« Oui, je l'ai faite. »« Merde! » Alors, je commence à goûter à ce qu'elle a fait, puis, « Ouais, c'est bien trop salé! » Ben, j'ai pas mis de sel dedans. Ah, parle de ça! Tu sais, au moment de me trouver quelque chose, on s'engueulait, c'est évident. Là, ça va dans la partie correcte. Pourquoi les individus restent 15 ans de temps à se démolir? Ils se démolissent pas, ils s'entretiennent. Si tu as. Prenons l'exemple du Vietnam. Le Vietnam a vécu 30 ans de guerre. Ça veut dire qu'une grande partie des êtres humains du Vietnam, 30 ans et moins, ceux qui sont nés pendant la guerre, n'ont connu que la guerre. Alors un jour, ils sont rentrés en guerre contre la Chine. Ils sont toujours en train de faire des conneries. Pourquoi? Parce que les égaux doivent souffrir la paix. Alors on continue toujours à chercher une raison pour se battre. Quelqu'un à haïr, qui, bon, lui, il nous a trahis à un moment donné, on va, en tout cas, il y a toujours quelque chose. Parce qu'on a, les soldats, les armées, lorsqu'ils finissent la guerre, ça s'ennuie à mourir. Qu'est-ce qui meurt? Les parties qui ont expérimenté ça, l'individu, une partie de l'individu meurt. Alors on se cherche de l'entraînement, on se cherche des causes, on y va, bon, on veut nourrir. C'est comme la personne qui prend sa retraite qui n'est pas chose. Capable d'arrêter de travailler. Moi, j'ai été, à un moment donné, chercher un policier qui était chez lui lorsque je travaillais pour l'urgence santé. Il était assez malade. Et dans sa maison, il y avait une radio pour capter toutes les fréquences de police. S'il continuait à faire des chasses, il continuait à poursuivre, il continuait à écrire, mais... On n'y a pas donné de micro. Parce qu'il a arrêté ben trop chaleur. C'est pas tout. Mais c'était un ancien sergent, puis là, ben là, il était au sergent. Il était dans sa chaise roulante, puis il sergeait. Il écoutait toutes les postes, les fréquences, puis là, il allait, puis là, il fermait les yeux, puis là, il poursuivait, puis il allait, puis il tirait, puis il dégueulait. Puis il était sans doute meilleur qu'il ne l'avait jamais été. Bon, il se nourrissait. Des policiers aujourd'hui qui sont bien pigasses. Des pays présentement cherchent à se libérer d'une conscientisation et une force pousse les hommes à agir vers une libération de l'être. Quelle est cette force? Est-ce véritablement libérateur? Bon, est-ce que c'est libérateur? La majorité du contexte planétaire est, disons, libre, démocratique. C'est-à-dire que la masse décide pour la masse. Jusqu'à date, le capitalisme pouvait plus facilement monter, se grandir, croître, dans des sociétés où on avait droit à une libre entreprise. Faites ce que vous voulez du moment que vous payez des impôts au gouvernement. Votre illégalité est légale si vous payez. Dans beaucoup de pays, c'était différent. Un petit groupe prétendait savoir mieux que l'ensemble ce que l'ensemble avait besoin. Mais comme le petit groupe, peut-être, il savait mieux que l'ensemble, ça se peut dans certains cas, mais comme le petit groupe devait dynamiser continuellement l'ensemble, fallait qu'ils mettent l'armée. La répression fait que la créativité tombe, puis progressivement, tu te rends compte que même si le capitaliste est apparemment pas bon pour ton système, la matière, tu en as besoin. Le peuple en a besoin, puis que technologiquement, tu finis par perdre des pédales. Donc, tu dois trouver des solutions. La force en est une. Tu obliges le génie à devenir génial. Mais encore là, ça ne fonctionne pas. Parce que les génies libres fonctionnent mieux. Et progressivement, l'obligation, en plus de l'intervention d'intelligence dans les pays libres, du point de vue de la conscience, là où tu peux être libre, plus ou moins sans risquer de te faire de te ramasser en asile psychiatrique, ça te permet de dire des choses. Comme la parole développe l'intelligence, nécessairement, ça l'aide. De plus en plus, ces pays-là sont confrontés à être écrasés par une forme de liberté. Veux, veux pas, ils ont accès à des revues qui viennent de l'extérieur, à des ondes radio qui viennent de l'extérieur, et progressivement, si on veut pas que tous ces pays-là tombent en faillite, on doit s'arranger pour les libérer. Mais il y a toujours une chose qui est dangereuse. Chaque fois qu'il y a une libération, il y a une crise. Les individus n'étant pas, les blocs de glace étant habitués à être confrontés à des règles extérieures, lorsqu'à un moment donné, ils sont libres, il y a une souffrance. Et là, après un grand éclatement de liberté, on essaie de mêler la liberté et l'esclavagisme. On veut avoir le neuf qu'on a tant espéré, mais on ne veut pas perdre le vieux. Et normalement, ça engendre des guerres civiles. Mais autre chose aussi, c'est qu'il y a un prophète ou un historien, selon ce que l'on voudra, qui un jour a dit, quand les grandes puissances seront assises à la même table pour parler de paix, il les restera quelques années avant la Troisième Guerre mondiale. Bon, les choses, à l'époque, lorsque cela a été dit, c'était impossible que ça se fasse. présentement, c'est de plus en plus possible, c'est même évident que ça va se faire. Est-ce que ça veut dire que? Pas nécessairement. Mais une chose certaine, c'est qu'avant de s'asseoir sur nos lauriers et penser que c'est fini, il faudra qu'on soit suffisamment politiquement là aux aguets pendant assez longtemps. La séparation et le divorce peuvent-ils être de l'amour? Absolument. Dans quel sens? Un vrai amour. Je suis... Bon. Quand tu te sépares, là, c'est parce que là, t'aimes. Pas parce que là, t'aimes, parce que t'aimes encore. Quand tu décides que l'autre est plus... Je suis tombé en amour, je l'ai mis dehors. Eh oui. Parce que ça se peut fort bien, t'es pas tombé en amour. J'ai subitement découvert l'amour pour ma femme, j'ai décidé que je cessais de m'abreuver d'elle. Bon. Puis la seule façon que elle et moi, on pouvait supporter, c'était la séparation. Alors on se sépare. Mais si on se sépare par amour, on n'ira pas devant des tribunaux, on ne détruira pas tout ce qui reste, on ne servira pas les enfants les uns contre les autres, puis on va rester amis. Ça serait dans un pays où il n'y a pas d'avocat. Oui, c'est évident, parce que les avocats vont s'organiser et trouver des raisons pour gagner en cours, hein, ça c'est sûr. Il faut bien qu'ils vivent, les avocats. Bon. Hein, c'est le cas de le dire, avocat. Savais-tu qu'un avocat... C'est avocat qu'on va travailler, c'est avocat. Un avocat qui est arrivé au ciel, à 35 ans décédé, qui a fait une crise à Saint-Pierre parce qu'il a dit « j'étais bien trop jeune pour mourir ». Saint-Pierre a vérifié dans ses notes, puis il a dit « ben non ». On a regardé toutes les heures que tu as facturées, puis tu as 108 ans. Effectivement. C'est mieux. Donc, si tu ne comprends pas, je t'expliquerai. OK, vas-y. Ouais, alors, séparation, le divorce, parce que ça peut être de l'amour, absolument, absolument, absolument. C'est le respect. La première chose, il faut commencer par... Mais quand on se sépare, c'est pas... Ça, en tout cas, c'est d'après moi, exceptionnel que quelqu'un se sépare parce qu'il s'entend. Oui, mais moi, j'en connais qui se sont séparés, qui sont toujours très, très amis ensemble, ça va bien. La plupart du temps, c'est en chicane. À cause de la glace. Ce qui va arriver, c'est que vu que tu ne veux plus nourrir ma glace, elles font. Vu qu'elles font, je te dis, un paquet de bêtises. Mais au fur et à mesure qu'elles font, moi je t'engueule. Fait que pendant que je t'engueule, au fur et à mesure que la glace d'amour, d'expérience de l'amour fond, je grossis une glace d'engueulade. Alors on n'est pas prêt à se séparer. Parce que si, après 15 ans, ce n'est plus l'affection que tu nourris, que tu t'es fondue chez moi, c'est maintenant la possibilité de gueuler. Il y a une glace qui t'est remplacée par l'autre. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que l'humain va se dire, quand j'aurai suffisamment de haine, on se séparera. Mais il vient à un moment donné que cette haine est ce qui te fait, ce qui fait que tu restes ensemble. Jusque même, tu vas dire, hé, là, il court après un autre, là, s'il pense qu'on va divorcer pour qu'il... Oh, Christinon, qu'il court après. La haine, maintenant, devient la raison. On devra se voir et sair ensemble pour pouvoir se nourrir mutuellement. Des glaces. Mais lorsqu'on nourrit quelque chose qui détruit le corps physique, qui détruit l'évolution chez l'humain, alors à un moment donné, ça ne va plus. T'es libre. Mais regarde ce qui va arriver. Si les deux personnes sont correctes, s'aiment réellement, il n'y a pas de problème. On n'a plus rien à faire ensemble, on n'a rien qu'à se séparer. C'est évident, t'as raison. C'est plate qu'on n'ait pas pu continuer. Mais c'est logique, parce que chaque fois qu'on se rencontre, on se grimpe dessus. Moi, j'aime autant qu'on reste plus ensemble. Puis si on a à se voir, on se verra de temps en temps. Puis tu feras ce que tu voudras, je ferai ce que je voudrais, comme avant. Puis là, on se sépare. Mais s'il y en a un qui dit, « Ouais, c'est vrai, meilleure solution, c'est de se séparer. » Ah, Christy, l'autre, je le savais. En tout cas, j'ai réglé. On repart encore à gueuler. Mais c'est évident que la séparation ou le divorce, ça peut être une... c'est de l'amour. Mais bien souvent, c'est... en plus d'être de l'amour, tu as toutes les mémoires par-dessus qui fait que tu es tombé en amour, tombé en haine. Puis là, on ne voit que ça dans le divorce, dans la séparation. Je ne crois plus en amour. Je peux même dire que je suis allergique. Je dis souvent que j'ai 3 murs de béton et 56 cadenas autour du cœur. Seuls les enfants peuvent susciter quelque chose chez moi. Comment, comme l'amour, responsabilité, s'il existe? J'ai trop souffert, je me suis juré de ne plus souffrir. Alors, l'amour instantané ou sentimentique qu'on vend de la salade à d'autres, je ne veux rien savoir. Mais on ne vend pas la salade à personne. La personne, elle vient une conférence sur l'amour. On se demande pourquoi. L'humain méchant, tu as vu comment ça arrive? Bon. Enfin, je ne crois plus en l'amour, je peux même dire que j'y suis allergique. Ce n'est pas parce qu'une personne est allergique au pollen que le pollen devrait détruire sa planète Terre. OK? La fièvre des foins, fait que tu sais, le pollen, c'est utile, vend ça à d'autres. Pollen, c'est utile. C'est pas parce que tu as le nez mal bâti que le pollen devient nuisible. Bon, c'est évident, on parle d'amour instantané. L'individu ici n'a jamais connu ça. Elle n'y croit pas. Elle ne peut pas y croire, c'est pas ce que c'est. Moi, j'ai connu de l'amour où je finissais par être attaché. Puis quand l'autre me lâchait là, je souffrais. Les blocs de glace doivent fondre. Une partie de vous qui doit mourir. C'est évident, elle allait souffrir. Parce que l'amour mémoriel fait souffrir, il ne fait que ça. C'est même la personne qui dit « Moi, je suis heureux. » veut pas, si c'est de l'amour mémoriel, elle souffre au travers de son amour. C'est immanquable, elle ne peut pas y échapper. Elle est totalement droguée, inconsciente, ou elle n'aime pas mémoriellement. Mais si elle aime, mémoriellement, elle va souffrir. Puis tous les humains que je connais sont pris avec l'amour mémoriel. Même si en même temps, ils émettent d'autres choses. L'enfant arrive à me faire réveiller. Elle n'a pas peur de se faire fourrer par l'enfant. Bon, elle n'a pas peur que de finir par se faire jouer comme elle a connu que les adultes. Ce qu'elle accepte là, c'est un amour proche de l'instantané. L'amour responsabilité devient de l'amour mémoriel. Je me missionne parce que j'aime l'enfant. Amour responsabilité. La personne vient encore de tout déformer au complet. Elle va se faire ramasser un jour encore quand un enfant va lui dire « Cesse de t'occuper de moi, j'ai pas besoin de ta maudite responsabilité. » Puis elle va encore souffrir, puis elle va encore décider qu'elle se met un mur de plus, puis toi qu'elle n'a de plus. Une chose qui est évidente, c'est que la personne, elle aime quand même. Elle ne peut pas faire autrement, ça ne lui appartient pas. Sauf qu'elle a des blocs de glace maintenant qu'elle veut nourrir avec la haine des blocs de glace qui se nourrissent avec l'amour. Alors, elle a des blocs de glace qu'elle nourrit avec la haine de l'amour. Elle aime ça. Mais en même temps, si on lui dit à cette personne-là, est-ce que tu l'aimes? Non! Parfait. Prends un revolver. Regarde sa réaction. Tu vas voir comment qu'elle va rester bord et net. Pourquoi? Parce qu'elle l'aimait. D'un amour réel. Mais elle dit non parce qu'elle n'a pas de mémoire expérientielle, elle n'a pas expérimenté chez elle le contact de l'autre. Alors elle dit non, elle l'aime pas. Peux-tu le tuer? Fais ce que tu veux. Fort, descends-les. Tu vas voir que ça ne va pas tout faire ce que veut dire Christy, là, ça va tout être borré. L'humain a de l'amour, qu'il le veuille ou non. Cet amour-là ne fait pas souffrir. C'est parce qu'on s'embourbe dans des amours de glace. C'est parce qu'on se nourrit de celui-là. Mon amour ne fait pas souffrir. Qu'est-ce que je veux demain matin? Mais le revivre. Il est mémoriel. Et lorsque je vais vouloir revivre, c'est de la glace. Puis après 20 mois de cet amour, la journée que la personne s'en va, elle ne me trompe pas. Qui vous a trompé à un moment donné pour que vous souffriez? Un être humain qui dit, tiens, subitement, j'ai le goût de respirer, j'ai le goût de m'en aller, puis là, vous dites, le chien. Puis là, vous dites, l'amour, j'aimerais plus jamais. Non, ne tombez plus en amour. Mais aimez encore, ouais, non, le temps qui est là, profitez-en. Quand il n'est plus là, on va continuer à vivre. Alors, celui qui aime, il laisse libre ce qu'il aime. S'il va, il ne vous a jamais appartenu, s'il vous revient. Quand il repart, mais parce que nous, on mémorise, si je lui ai ouvert mon cœur, il est prisonnier. À un moment donné, il décide qu'il s'en va. Il me trompe, il m'abandonne, il me trahit. Mettez-en. C'est la glace. C'est ça, les cadenas, la personne a simplement décidé que plus jamais elle laisserait un bloc de glace se créer dans une relation harmonieuse. Mais ça, j'ai rien contre. C'est parfait. Mais le problème, c'est qu'elle décide qu'un bloc de glace se créera pour haïr ça. Pourquoi? Parce qu'elle sait inconsciemment qu'elle ne pourra pas, tant qu'elle est humainement constituée comme elle l'est présentement, empêcher qu'un bloc de glace se crée dans une relation harmonieuse. Alors, toute l'énergie d'une relation harmonieuse, elle la transforme en haine de la relation harmonieuse, haine de ce qu'elle va appeler l'amour. Parce que quelqu'un qui ne croit pas à l'amour, c'est quelqu'un qui souffre. Je répète qu'on ne souffre que lorsque l'on doit mourir à quelque chose. Mais elle n'a pas connu l'amour. Elle a connu des gros blocs d'expérience de l'amour, le grand amour. Elle était la Niagara souvent. Quand elle revenait, le bonhomme partait pour tenir Niagara qu'un autre. Là, elle se dit, je ne tomberai plus en amour, je ne me ferai plus jamais pogner. L'amour instantané, l'amour sentimentique, vendez votre salade à d'autres. Je ne vends pas de salade pantoute, c'est là quand même. Ce que j'essaie de vendre, si je vends, c'est qu'on ne doit plus tomber en amour avec les blocs de glace. La personne, ce qu'elle dit, elle, c'est ça. C'est que parce qu'elle a tout à fait mal vécu une chose qu'elle a de toute façon chez elle, elle l'a vécu comme tous les humains le vivent, mais plus intensément. Dommage, parce que plus tu vis intensément de l'amour, plus tu te fais ramasser à un moment donné. Plus tu aimeras ton automobile, lorsque la salope va rouiller, mais c'est ça. Une rencontre, c'est toujours le début d'une séparation. Par mortalité, par voyage, par décollement, ça ne change rien. Alors, on n'est pas pour dire, moi, je ne boirai plus jamais. Chaque fois que je bois, je me saoule la gueule. Tu buvais de l'alcool, bois donc du jus puis de l'eau. Essaye pas, tu ne me vendras pas ça. Ay, c'est ça. Sors de la taverne, on vend d'autres choses ailleurs. Si jamais t'as un fusil, une carabine dans une conférence, moi je t'interviewe pas avec les mais acteurs. Non, mais ça, t'as pas compris que c'était l'autre, c'était un acteur. OK. Qu'est-ce que l'amour par rapport à l'énergie nominale? Bon, qu'est-ce que la lune par rapport à mon micro? C'est pas grand rapport. L'énergie yin qui circule sur des méridiens d'énergie provient du sol. Puis on en a quand on mange. On mange des carottes, mange des patates, mange des aliments yin. L'énergie yang qu'on a aussi dans le corps physique, qui circule aussi par d'autres méridiens, provient du soleil. On en récupère par le soleil, on en récupère aussi en mangeant des pommes, en mangeant des tomates, en mangeant des trucs qui poussent au soleil. Bon. L'énergie nominale, c'est une énergie qui provient d'une transformation des énergies yin et yang par la pensée de l'homme. L'énergie nominale, c'est une énergie qui est une espèce de... qui est une création, exactement comme on aura une plante qui va être la création par la photosynthèse de la lumière mélangée avec les minéraux du sol. Ce qu'on a, c'est ni le sol, ni la lumière, mais c'est quelque chose de neuf. L'énergie minale n'existe que chez l'homme, que chez le règne minal, et c'est une énergie qui peut servir dans le magnétisme à guérir, qui peut servir à plusieurs choses. Et qu'on capte surtout par les capteurs médials du nez, par une respiration intercostale, entre autres. Expiration comme inspiration. Comme je dis souvent dans le séminaire, lorsque vous êtes malade puis que le médecin rentre dans votre chambre, respirez intercostalement. Lui, vu qu'il respire très mal, il rejette son énergie nominale puis vous allez la capter, ça va vous guérir. Bien plus que ses conseils, bon, en tout cas. Mais l'amour, c'est une énergie qui existe partout. C'est ce qui nous permet... Ben, qu'est-ce que c'est l'amour? Pour être plus précis, là, je vais expliquer un peu mieux. Il y a différentes formes. L'amour, c'est ce qui... Pour l'être humain, disons que l'amour serait la perception du fait que nous ne sommes pas séparés. Bon. L'amour, c'est la perception du fait que nous sommes une seule chose. Perception. On dit souvent l'amour, c'est de l'attraction. C'est une forme planétaire pour définir l'amour. Parce que quand tu tombes en amour, tu es attiré par quelqu'un. De l'attirance pour lui, on va dire, la planète Terre, elle a aussi une forme d'amour, qui n'est pas émotif, mais elle attire tout sur elle. Sauf que la Terre n'attire rien. Elle courbe l'espace-temps, et dans la courbure spatio-temporelle, dans la géométrie spatiale, on est plaqué sous le sol. L'amour réel, l'amour, c'est simplement la perception du fait qu'on n'est pas séparé. Vu qu'on n'est pas séparé, on a des relations. On a des affinités. Et parce que les affinités sont expérimentées par de l'ego, l'ego essaie de nourrir cela. On recrée les blocs de glace. L'être humain, bon, théologiquement, on dit, dans toutes les théologies, que l'être humain soit une étincelle du même grand brasier. Donc, il est relié. On va dire aussi, dans d'autres religions, l'être humain est frère et sœur. Ou encore, il est le même créateur. Donc, il est de la même famille, de la même source. Il est relié à la même énergie, il a le même esprit. Il ira dans le même... En ce cas-là, mais les enfants, bon. On perçoit intuitivement, théologiquement, émotivement communiqué, ou même sentimentiquement communiqué, une certaine chose qui ne sont pas traduites dans le langage humain, donc traduites dans sa conscience astrale, conscience immorielle, que nous ne sommes pas séparés. C'est l'amour, simplement. Nous ne sommes pas séparés en tant qu'individu. Non, nous ne sommes pas séparés. De qui? Mais nous ne sommes pas séparés. Tu n'es pas séparé de moi. Pas de qui? Ah, mais est-ce que aussi c'est l'amour de la personne, il y a l'âme, l'ego, l'esprit, tout ça. Est-ce que ça peut pas aussi être la globalité de ça? Que nous sommes un? Nous ne sommes pas séparés. OK. Ça compris. Je suis toujours attiré par des hommes sensibles qui ont beaucoup souffert et ça ne fonctionne pas. Est-ce que... est-ce parce que je veux... Oui, ouch! J'ai souffert! Est-ce parce que je veux me sentir utile, trop besoin d'être aimé? Bon. Je suis attiré par des hommes sensibles. Un homme sensible n'est pas un homme qui a trop souffert, qui a beaucoup souffert. Sauf que bien souvent, celui qui est sensible peut souffrir beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on a souffert qu'on devient sensible. Qui ont beaucoup souffert et ça ne fonctionne pas, elles autres aussi, peut-être, ont souffert suffisamment certaines choses, là, puis sont tannées. Effectivement, il y a quoi? Il y a que, bon, je vais quand même répondre rapidement, mais c'est des choses qu'on retouche, qu'on a déjà touchées, puis qu'on retouche plus en conférence privée, conférence séminariste. Vous avez un bloc de glace chez vous qui est la réincarnation de votre mère à un certain âge. Et ce qui est plus traumatisant encore, c'est que lorsque vous aurez 30 ans, votre mère, les mémoires de votre mère à 30 ans vont essayer de vous rentrer chez vous. À 31 ans, les mémoires de votre mère à 31 ans vont essayer aussi de vous posséder. Même chose pour le père. C'est pour ça que progressivement, on finit par être, comme tu nous disais à un moment donné, d'ailleurs j'ai pu remarquer ici avec mon ami Charles, c'est encore bien pire, quand il se met en grosse colère contre un de ses enfants, il dit « Charles Villeneuve! » C'est lui ça. Hein, c'est toi, là. Puis là, ouais. C'est son père qui est en train de crier. C'est bien embêtant. Son père crie après Charles Villeneuve, mais c'est Louis-Philippe qui est là. Bon, ouais. Charles Villeneuve. Parce que tu vis une certaine forme de conscientisation, il y a des séparations qui se font entre le mental et ce qui est réincarné. Ce réincarné s'exprime un peu. À un moment donné, la personne peut avoir suffisamment d'un bloc de glace, une mémoire, qui tient à se nourrir d'aider. On appelle ça être maternelle, mère poule, mais maternelle aussi. Et il y a beaucoup de femmes qui se font récupérer par cette idée-là d'être maternelle. Et qui, là, nécessairement, recherchent des pauvres petits-enfants. C'est qu'on a parlé beaucoup de la chevalerie du passé, où le chevalier devait défendre la veuve et l'orphelin. C'est une paternalité chevaleresque. Mais la femme aussi, elle a ce genre de chevalerie qui s'exprime différemment, et parce que c'est l'homme qui faisait l'histoire, on ne l'a pas parlé. Mais elle est maternelle. Elle recherche le veuf et l'orphelin. C'est ce qui arrive chez cette dame. Et ça ne fonctionne pas, ben... elle a d'autres choses à faire, ou elle... Bon, c'est simple, c'est correct. Mais elle veut nourrir un bloc de glace de maternité, puis on peut nourrir d'autres choses. Si ta femme a le goût d'une nuit avec un autre, dans une semaine, et te le dit deux jours après ou un an après, ça ne te dérangera point? Point d'interrogation. Moi, non. Vas-tu lui poser ne serait-ce qu'une seule question, s'il vous plaît? La personne, elle aimerait ça que ce soit normal. C'est ça. Essaye d'être normal. Je sais bien que c'est bien dur. C'est évident. Outre le fait que tu es peut-être tellement sûr de toi et que les femmes n'iront pas à l'extérieur quand elles ont un mari ou un ami régulier. Non, non. Ma femme, elle invitait ses anciens chums chez moi pour me les présenter quand on s'est connus. Ça me dérangeait pas pendant. Bon. Autre le fait que tu es peut-être tellement sûr de toi. Je ne suis pas sûr de... C'est ça qui est le bout du problème. Regardons encore une chose. Voyez comment on traduit les choses. Les égaux sont comme ça. Parce que je dis que si ma femme, elle sortirait avec d'autres, ça ne me dérangerait pas. L'autre, il est sûr de lui. Je ne suis pas sûr de moi. Ça ne me dérangerait pas. C'est comme de dire, elle ne sortira pas de toute façon. Je ne suis pas sûr de moi. Là, on essaie d'interpréter, de récupérer, comme un psychologue qui me disait à un moment donné, vous, avec tout ce que vous dites, là, vous avez dû souffrir en maudit. J'ai jamais souffert. Il a jamais souffert. À la radio, on me disait à un moment donné, oui, mais si un jour tu perds un de tes enfants, tu vas broyer. J'ai dit non, j'ai perdu un, je n'ai pas broyé, ça n'a rien changé. Ah, ben, il était sans cœur. L'humain connaît vraiment pas c'est quoi l'amour. L'humain est tout débâti. Puis l'humain, en plus, dans son débâti, il y a un bloc de glace qui s'appelle l'orgueil, qui lui, il se dit, « Hey, ça fait 20 ans que je souffre d'aimer, c'est pas un petit con en avant, va venir me dire que j'étais con puis que j'avais tort. » D'accord, vous avez pas tort d'aimer comme vous aimez. Continuez à aimer comme ça, suicidez-vous de temps en temps, battez-vous, gueulez-vous après, détestez-vous, manipulez-vous, puis continuez à aimer. Puis le moindre moment qu'un homme ou une femme va venir dire, « Moi, je t'aime suffisamment pour te laisser libre. » Vous allez dire, « Bien sûr de toi, toi! » Ma femme a peut-être pensé que j'étais sûr de moi. Mais elle m'a traité longtemps que j'étais pas un vrai homme, etc. Puis finalement, il a fallu qu'elle se rende à l'évidence, qu'elle fasse ce qu'elle voudra. Je ne peux pas devenir jaloux. Il n'y a rien à faire. C'est parce que tu l'aimes pas. C'est ça. Parce que je l'aime pas. Sauf que... faut croire qu'elle a même... Mais t'es tough en maudit. C'est ça, mettons la raison qu'on voudra. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis ceci? Ah, peut-être que je la trompe moi-même, ça ne me dérange pas comme tombe. Mettez-en des raisons. Et c'est ça qui est le problème. La journée que votre conjoint va subitement commencer à vous respecter, vous ne vous respectez pas vous-même à un point tel que vous ne serez pas capable de supporter son respect. Et immédiatement, on va commencer à vouloir placer des raisons pour qu'on puisse lui rentrer dedans. Le battre, le démolir. Le bonhomme est plus jaloux de vous, mesdames. Mais Christy, c'est le mur de Berlin qui vient de tomber. Automatiquement, vous allez dire quoi? Oh, vous allez entendre des raisons. Oui, mais si la femme se respecte un peu plus, un peu mieux, elle va accepter le respect du bonhomme. Oh, jamais de la vie. Or, on va commencer à enquêter, on va se prendre pour, je ne sais pas qui, mais on va commencer à fouiller. On va en trouver des raisons. Puis on va en inventer des babelles. À cinq, qu'à un moment donné, le bonhomme, on va finir par créer dans l'astral suffisamment de mémoire qu'on va finir par le manipuler à faire ce qu'on sait qu'il fait. Puis là, on va avoir raison. Je savais. Bon, il faut que tu aies raison. Je ne suis pas sûr de moi. Je m'en fous de ce que ma femme fait. Ça la regarde. Ça ne me regarde pas. C'est simple. Puis c'est pas que je suis sûr de moi. C'est évident. C'est tellement simple. Pourquoi faudrait que je sois sûr de moi? Je ne suis pas... Bon, est-ce que je suis sûr de moi? Que madame ici ne couchera pas de personne cette année? Non, je m'en fous! Mais c'est pareil. C'est pareil. Pourquoi j'ai toujours mal dans le dos? Refus de responsabilité? Pas moi, là. Je refuse de m'assumer. La vie est un poids que je supporte. C'est tous des points d'interrogation. Bon, la personne qui connaît déjà la réponse, elle a besoin d'une confirmation. Premièrement, on a mal dans le dos, surtout à cause que la vie est très pesante. On supporte effectivement énormément de problématiques. Et parce qu'on supporte énormément de problèmes, progressivement, la psychologie, l'ego va s'arranger pour traduire cela. La personne peut s'asseoir tout croche, tout travers, comme si elle était toujours fatiguée, donc nécessairement elle ne développe pas un problème dorsal. Elle peut dormir d'une façon qui est inappropriée, comme si, bon, parce qu'un individu qui était tout écrasé, ben, oh merde, ben, si tu veux pas, biologiquement, son dos, à un moment donné, finit par en souffrir, donc elle aura des problèmes de dos. Elle peut aussi avoir énormément de tension face à la vie. Encore une fois, on peut dire que c'est un poids. Et elle contracte inutilement plusieurs muscles, ce qui fait qu'à la longue, elle a des crampes. Donc, encore une fois, elle aura mal dans le dos. Et quand elle commence à se rendre compte de ça, puisqu'elle l'écrit, là, c'est parce qu'elle commence à avoir des réactions, est-ce que ça peut s'éliminer? Ben, c'est évident que ça peut s'éliminer, mais il y a des blocs de glace qui ont expérimenté, qui sont habitués à s'exprimer comme ça. Donc, ça prend quand même toujours un laps de temps avant que ça fonde. Mais la personne doit s'arranger maintenant pour travailler sa posture, travailler plusieurs choses. Elle devra nécessairement, pour s'aider à travailler sa posture, elle devra travailler aussi son langage. Parce que la personne va dire, tiens, je suis croche, elle se met droit. Mais une demi-heure après, t'es encore croche. Ah, je suis croche, elle se met droite. Oui, mais droite deux minutes, puis elle a été croche pendant une heure. Donc, elle aura encore mal au dos. Faut pas que la personne se dise, ouais, mais gars, j'ai essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Ça fait peut-être 20 ans qu'elle se crochit, donc faut quand même qu'elle se donne du temps un peu pour s'endresser. Nécessairement, ça va fonctionner. Là, j'ai une question sur les questions. Il y a souvent des personnes qui écrivent la question, puis au fur et à mesure... À force d'en lire, je finis mon envers. Au fur et à mesure qu'ils écrivent la question, ils se répondent pendant qu'ils écrivent. Est-ce que quand on a des questions, des problèmes, si on s'assoyait, puis on prenait une feuille de papier, puis un crayon, puis on écrivait notre problème, puis on se laissait aller à écrire, est-ce qu'on ne trouverait pas nous-mêmes la réponse dedans? C'est évident. Le problème, c'est que, étant donné que c'est la médiocratie qui dirige la conscience de l'humain, le problème, c'est que tu ne pourras pas faire confiance à ta réponse. Si l'humain se ferait confiance à sa réponse, ça irait mieux. Ah, il va encore se tromper des fois, mais quand il prend conseil, il se trompe encore. Fait qu'il va encore se tromper des fois, mais progressivement, il va développer très, très, très rapidement un contact avec son ajusteur de pensée, puis il va apprendre lui-même à se répondre. Il va devenir un peu plus son seul maître. C'est évident. Pourquoi je ne m'implique pas à 100% dans mon travail, mes relations, mes cours? Je suis paresseuse, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Parce que vous êtes paresseuse et que vous n'avez pas beaucoup d'énergie. C'est ce que je disais, les réponses. Hein? Oui, maintenant, vous devez savoir une chose. Est-ce que c'est un défaut d'être paresseux, de ne pas avoir beaucoup d'énergie? Non, absolument pas. On a beaucoup de stéréotypes qui magament notre vie. Je travaille avec des personnes, moi, ces personnes-là sont toujours à la dernière minute. C'est pas la dernière seconde. Mais moi, quand j'étais jeune, je l'ai à l'école. Mes devoirs, je faisais à 6 heures le matin, un devoir d'un mois, là, le matin même, il fallait que je le remette. Toute ma vie, j'étais à la dernière minute. Toute ma vie. Et j'ai découvert l'instantanéité. Mais parce que je me culpabilisais pas dernièrement, ben j'ai dit à tous ceux avec qui je travaillais, ben c'est ça, on est des dernières minutes. Soyons en dernière minute. Allons jouer au tennis, allons jouer au badminton, allons jouer au ping-pong, sourions un peu. Puis à un moment donné, tu es à la dernière minute. Ben oui. J'ai écrit un livre dernièrement. J'avais tout l'été pour l'écrire et je m'étais dit, bon, je prends l'été pour l'écrire pour qu'on le sorte pour le salon du livre l'année prochaine, en 89, donc cette année. Commence demain. Et tout l'été, je me suis assis devant mon ordinateur, puis j'avais le goût d'aller tourner de gazon. Là, je venais m'asseoir, j'avais le goût d'écouter la télévision. Puis finalement, un mois et demi avant le salon du livre, je n'ai toujours pas écrit mon livre. Puis là, je me dis 3 semaines pour l'imprimer. Il faut que je le fasse corriger, puis il faut que je l'écrive. Ben, c'est ça. Puis là, j'avais son de gazon. Puis à un moment donné, j'ai commencé à l'écrire, puis ça a commencé à débouler, puis ça y était, puis ça y est là. Puis là, après ça, j'appelle l'imprimeur. Là, faut que tu me sortes ça dans 2 semaines. Puis avant, j'allais voir les correctrices. Peux-tu me corriger ça en fin de semaine? Tout en dernière minute. Et le livre! Puis je me suis dit, ben si je ne l'ai pas à temps, je ne l'aurai pas à temps. Je vais commencer à me stresser, puis à m'écraser, puis à me dire, je suis paresseux. Crème, la créativité, elle vient quand elle vient. Je ne peux pas la commander. Je suis pas en dernière minute. J'ai essayé d'écrire, ça n'écrivait pas. Qu'est-ce que tu voulais que je me dise? Que je me culpabilise? Que je me trouve de paresseux? Que je me traite de... Et vaché dans mon salon, moi je me sois à terre, je me couche à terre dans mon salon, devant la télévision, à pitonner vers ses plates, puis là je me dirais, je suis paresseux. Je suis pas paresseux. Dieu aurait qu'à m'inspirer. Vous allez voir comment je travaille. Faudrait qu'il coupe le câble, puis qu'il arrête de faire pousser le gazon. Non, je sais pas, mais il me donne simplement le goût de travailler. Puis subitement, pas parce que j'étais à la dernière minute, Ça venait. Puis là, il y a plein de choses géniales, ça venait. Puis là, le livre, on va l'avoir vendredi matin. Le salon du livre commence jeudi à 5h. Juste en dernière minute. Puis là, je me dis, c'est raisonnable. Un peu plus vite, j'aurais pas été correct. Ouais, mais faut que je sois en dernière minute, c'est ma façon. La personne, elle se dit paresseuse, pas motivée, ceci, cela. Mais oui, mais... La vie, il faut qu'on s'en serve à quelque chose d'autre que de remplir des stéréotypes. Là, si jamais tu fais quelque chose à temps, tu vas te sentir coupable. Ah, peut-être. De ne pas avoir l'état. Mais vu que c'est moi, je ne me sentirais pas coupable. Mais la personne, elle n'est pas paresseuse. Il lui manque, ce n'est pas le temps qu'elle se réveille. Il lui manque, elle n'a pas trouvé son trou, il lui manque quelque chose à un moment donné qui va l'envoyer. Ou simplement, elle vit convenablement, elle vit correctement. Sauf qu'elle se culpabilise de ne pas être comme les autres qui sont pressés et qui courent partout. Est-ce que la façon dont elle vit, je ne parle pas du karma relatif qu'elle vit, la culpabilité qu'elle s'impose, est-ce que la façon dont elle vit nuit réellement à sa vie? Je parle de réellement. C'est sûr que si j'écris pas de livre, le livre ne sortirait pas. Bon, alors à un moment donné, je fais un petit sprint, puis je l'écris. Mais ça donne que ça s'écrit tout seul aussi. Est-ce que la personne, est-ce que ça nuit réellement, ou si elle se dit simplement, « Oui, mais je pourrais faire tellement plus. » Hey, je me suis dit ça souvent, moi. « Je pourrais faire tellement plus. » Puis à un moment donné, j'ai fait plus. J'ai essayé de dire ça. J'ai au moins fait ça de plus. Mais quand tu ne l'as pas, tu ne le fais pas, ça finit là. Moi, je suis un paresseux invétéré, je le dis, on doit parvenir à être riche sans travailler. On n'est pas sur la planète Terre pour travailler. Mais quand ça vous intéresse ce que vous faites, hein, vous n'avez pas de problème à vous dynamiser, mais vous ne travaillez pas non plus. Mais tant qu'on n'est pas dans son bon trou, on doit travailler. Mais travailler le minimum. Puis paresseux, etc., puis... Moi, ça faudrait qu'elle regarde. Si ça nuit pas, là, qu'elle change de cap au niveau psychologique, qu'elle s'évache donc, puis qu'elle respire donc, bon, c'est bien correct. Qu'est-ce que le plus grand amour, le plus vrai que le respect? Bon. L'amour, ça, c'est... Donc, le respect, c'est la plus pure forme d'expression de l'amour. Il n'y a pas mieux que le respect dans l'expression de l'amour. Puis si tu vas en dessous du respect, tu n'es plus dans l'amour pantoute, tu es dans la glace. Tu n'as pas 50 formes. Tu sais, les bonhommes, tout à l'heure, qui ont rencontré la dame ou le monsieur là, qui ne veut plus rien savoir de l'amour. Mais si les autres l'auraient respecté, mais si elle se serait respectée, aurait respecté les autres. Parce qu'elle va dire, oui, mais s'il m'aurait respecté, il ne serait pas parti. Si tu l'aurais respecté, il serait pas parti non plus. Puis s'il y aurait à partir, ben, il part si tu le respectes. Si je suis ta femme, t'es mon mari, si je te respecte, si t'as le goût de partir, tu pars. Sinon, je t'ai jamais respecté. On jouait sur du respect. Je te respectais tant que. Je te respectais pas tout. Ce que tu aimes, tu le laisses libre. Je te dis, s'il te revient, vas-y. S'il te revient pas, t'as jamais appartenu. Mais appartenu, c'est ça qu'on veut, c'est de l'appartenance. Oui, mais lui-même, il faut qu'il comprenne le principe. Je te donne ça pour ton ego. Oui, je vais lui dire qu'il écoute la cassette. Le Christ, selon la Bible, était le Fils de Dieu, et il a annoncé la venue du Fils de l'homme. Qui est-il, ce Fils de l'homme? Bon. Donne pas son adresse. Premièrement, le Nazaréen a dit qu'un jour vous ferez comme lui et même plus. Il y avait à l'époque 14 faisceaux principaux d'énergie qui étaient en effusion sur le plan planétaire, donc qui s'exprimaient dans l'humain. De ces 14 faisceaux, 144 000, en réalité beaucoup plus, près de 200 000 faisceaux divisés se répartissaient dans quelques milliards d'humains. Tous les humains de l'époque n'étaient pas frères et sœurs en esprit. Chaque personne reliée au même faisceau était frère et sœur en esprit. Le Nazaréen avait donc ses frères et sœurs en esprit. Et à l'époque, il a pris 12 apôtres représentatifs de 12 des faisceaux. Et Lazare, le 13e faisceau, lui était le représentant du 14e faisceau. Le premier faisceau à avoir été capable de se récupérer et d'accomplir ce qu'il avait à faire, le faisceau Nazaréen. Faisceau michaélien, faisceau du Christ. C'est le plus faible des faisceaux. Donc, celui qui a le moins de problématiques, celui qui a moins pénétré l'implantation matérielle, c'est le plus faible. Le deuxième faisceau à se résorber fera donc ce que le Christ a fait et même plus. C'est évident. Le quatorzième, tu vas voir ce qui va se passer. Peut-être. Bon. Le Nazaréen vient dire qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est lorsque le Christ parle. Le Christ, c'est de l'énergie supramentale. Je ne récupère pas ça. C'est un terme alchimique, énergie christique. C'est la même chose que l'énergie supramentale, sauf qu'on a rajouté un nouveau mot pour déreligiosiser, n'est-ce pas, le mot. Lorsqu'on parle d'énergie supramentale, c'est simplement plus parapsychologique, mais c'est le même phénomène, c'est l'Esprit Saint, c'est l'énergie christique. Lorsque vous êtes fils de Dieu, c'est lorsque il n'y a pas encore de révélation réelle chez la mémoire de l'homme de ce que c'est que le Christ. Lorsque j'étais fils de Dieu, c'est lorsque je disais que j'étais moi-même de l'énergie, et que je m'exprimais par un corps. Mais le Fils de l'homme, c'est lorsque l'énergie christique finit par vivre une fusion dans la compréhension, pas une fusion du double éthérique encore, là tu n'es plus Fils de l'homme, ni Fils de Dieu, tu es ça. Tu es, comme le Nazaréen disait vers la fin, il disait « je suis ». La fusion est accomplie. Mais temporairement, il y a « je suis le Fils de Dieu », à un moment donné, même lui a dit qu'il était le Fils de l'homme, et que l'humain, le Fils de l'homme, c'est lorsque la matière finit par accepter la christification. Alors, lorsque la matière, lorsque l'ego parle, il est le Fils de l'homme, lui. Mais pour se reconnaître Fils de l'homme, il doit avoir un contact christique. Et la partie christique qui parle va dire « je suis le Fils de Dieu ». C'est logique. Lorsqu'il y aura fusion entre le double, la partie qui contient la mécanique supramentale et l'être humain, alors ça fera comme le Nazaréen, il dira « je suis ». Il n'est plus le fils de personne. Il est. Un gars me demande pour aller rester en appartement avec lui. Dites non. C'est exactement ça. Je dis non parce que je ne l'aime pas d'amour amoureux. Comment est-ce possible d'aller demeurer avec quelqu'un qu'on n'aime pas? On pourrait donc rester avec n'importe qui pour dépendance et finir par l'aimer. Absolument, c'est évident. C'est sûr, même vos pires ennemis que vous détestez, la journée que vous voyez qu'il est mort, ça vous touche. C'est évident. Pourquoi que ça vous touche? Simplement parce qu'il y a une partie qui part. Regarde les films qu'on fait tout au tiré à caractère vécu. Lorsque, prend James Bond, lorsqu'il rencontre le, je sais plus qui, Dr. No, ben Dr. No le tue pas tout de suite. Il se dit, crime, perdre un si valeureux ennemi. Il perd toute la jouissance de sa lutte. Ah oui, il expérimente le combat avec l'autre lorsqu'il le détruit. Il ne reste plus rien. C'est pour plate. Ça, dans les vues, qu'on les tue pas comme ça. On les attache, on les met dans des cages avec de l'eau qui monte lentement, tu sais. Puis il s'en sort toujours. On laisse une chance. Bon. Elle, la personne, bon, je ne l'aime pas. Ben non. Et moi, je vous garantis que vous décollez avec lui, vous vous écrasez quelque part en Afrique, puis vous êtes seul blanc parmi un paquet de noirs, puis vous allez voir que vous allez tomber en amour, ce sera pas long. Puis partagez la même cause. Vous allez voir que ce sera pas long, vous allez accepter bien les choses. C'est sûr que tant que vous avez le choix, vous voulez vous nourrir de ce qui va avec les blocs de glace. Quelqu'un qui a une moustache, t'aimes pas ça, parce que, bon, etc. Mais c'est évident, restez avec quelqu'un un grand laps de temps. Vous allez finir, même si vous êtes amis, vous allez pas tomber en amour. Sauf si la relation reste continuellement mentale à mentale, quand la personne va s'en aller, vous allez quelque part chez vous le regretter, mais vu que vous l'avez toujours respecté pour ce qu'il était, vous n'en souffrirez pas. Vous allez avoir une petite nostalgie, mais pas de souffrance. Vous allez dire par exemple, ah, il n'est pas là, c'est dommage. J'aime ça quand il est là, mais ça ne me dérange pas quand il n'y est pas. C'est le respect. Je conduisais l'auto. Juste ici. Juste là. Juste ici, petite chose avant, pour voir. Peut-être que ça vous est déjà arrivé que votre concubin, mari ou etc., amène un chat ou un chien. Il a acheté ça comme ça, là, au pet shop. J'aime donc pas ça, vous avez des lignes. Mais 6 mois après, là, s'il faut vous débarrasser de l'animal, là, allez voir. Mais c'est de l'amour. Vous avez expérimenté la présence de l'animal, maintenant qu'il nourrit une partie de chez vous, s'il décolle, c'est un problème. Même chose, restez avec n'importe qui pendant un bout de temps dans une cabane, vous allez voir. Vous allez tomber en amour. Même chose. Je conduisais l'auto et parlais à quelqu'un. Je me suis rendu compte après que je n'étais pas dans l'auto, c'est-à-dire que je n'ai rien vu, et je parlais quand même. Est-ce un voyage astral? Sinon, qu'est-ce que ce phénomène? C'est ça, c'est un voyage astral, puis les mémoires d'intervention continuent à conduire l'automobile. Lorsqu'une personne fusionne ses personnalités réincarnationnelles, a-t-elle le canal étranglé? Pas nécessairement, ça dépend de ce qui a été fusionné, donc ça dépend de sa constitution astrale, puis ça dépend aussi de la liberté qu'a son ajusteur de pensée. Si oui, comment peut-elle réincarner d'autres personnages? Elle réincarne. S'il est totalement étranglé, il ne la réincarnera pas. Par contre, lorsqu'un individu qui joue avec l'onde de forme va réincarner uniquement par imprégnation, c'est-à-dire que l'onde de forme attire quand même, mais ce n'est pas par le canal réincarnationnel. Donc, normalement, on va réincarner uniquement ce qui est utilisable, pas le paquet de cochonneries qui vient avec. Abd Rushin, je crois, a écrit une cosmogonie en 3 volumes, genre comme le vôtre. Était-il inspiré par son supramental? Bon, c'était pas écrit genre comme le mien pantoute. C'est pas à cause qu'il a écrit un livre noir à un moment donné que c'est comme le mien. Est-ce qu'il était inspiré? Ça, c'est les lecteurs et les lectrices qui doivent savoir ce qu'il était inspiré. Ce n'est pas moi qui va vous dire si Abd Rushin était inspiré ou pas. Je suis certain des livres qu'il a écrits, ça a aidé énormément d'individus. Ça, c'est évident. Puis moi, je vais en écrire 4. La semaine prochaine, la conférence a lieu à Longueuil, au LDN, à même heure, même poste. Le titre, c'est « Libérer de l'illusion cosmique ». Bonne semaine.